lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Bonjour à tous, ici c'est Claire Huppé et je suis avec toute l'équipe dans Hashtag ce soir. Donc il y a Max, Xavier et Maëlle. Comment vous allez? Ben ça va bien et toi? Ben ça va super, je suis contente d'avoir fait cette petite intro. Ben oui, comme ça on changeait, pas toujours ben moi oui. Et c'était très bien Claire. Oh, ah, merci, bravo, première bravo, fois. Bravo, super, première, merci, merci. Pour la première fois hein, dans cette émission. Ben oui, première fois, ben justement c'est vrai, sa première c'est fois. C'est le sujet, c'est le bienvenue, sujet. Bienvenue, je continue, hein, je prends le relais, vas-y. On est parti dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, on va vous proposer une émission première fois. On va parler de première fois de choses que l'on fait, de choses que l'on a fait par la quelque chose que je n'osais pas faire, que je me suis dit bon, c'est bon, je vais m'y mettre. On va bien évidemment parler de première fois sexuelle, puisque bah, quand on dit première fois, c'est la première chose à laquelle c'est on la pense. C'est la première chose, ouais. Donc on en parlera et pour en parler avec nous, Xavier est là aussi. Ça va, Xavier? Ça va très bien, et toi? Ça va très très bien. Écoute, content de te voir. Ah ben moi aussi, ça faisait longtemps. C'est vrai. Oui. Écoute, très content. Et puis Maëlle pour la deuxième fois, elle est là avec nous. Du coup, c'est pas ta première fois, c'est ta deuxième. C'est pas ma première, mais je suis super contente pour la deuxième. Voilà. Et ben voilà, pour sa deuxième fois, allez, avec nous au programme aujourd'hui, on va parler plein de choses. On vous le disait de la première fois. Avec Claire, tu vas nous donner un petit peu des conseils, comment bien vivre sa première fois, parce que c'est vrai que c'est un sujet délicat et c'est important de savoir, d'avoir un peu une main. Une main pour nous guider. Je ne sais pas comment tourner ça, mais voilà. Écoute, tu seras la main qui va guider les gens aujourd'hui. Voilà, voilà, peut-être que vous n'avez pas encore passé le cap et peut-être que les conseils de Claire vous aideront à ce que ça se passe très bien. On aura également pas mal d'autres choses. On aura une invitée dans quelques instants. Elle s'appelle Lou. Sur YouTube, c'est Lou Prums. Elle s'appelle Lou Marine et chaque semaine, elle propose aux gens qui la suivent des premières fois en vidéo. Par exemple, sa première semaine sans sucre, un premier vol en parapente, la première fois en maillot dans moins 170 degrés, enfin, vous l'aurez compris, toutes des premières fois super sympa qu'elle fait en vidéo et elle sera là pour nous en parler. On va parler aussi des premières fois des inventions puisque tout a une date de début. Ouais. Par exemple, la première fois que je sais pas, un téléphone a été utilisé, le premier véhicule, la première imprimante, enfin tout ça, on se donnera un petit peu des dates et je vous ferai deviner. Vous devrez me dire pour vous en quelle année c'était la première fois de tel objet et puis voilà, pas mal d'autres choses au programme. Restez bien avec nous, on passe la soirée ensemble. 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, émission spéciale, première fois aujourd'hui. On va parler de toutes les choses qui nous ont marqué, les choses où on a un petit peu hésité, les choses où on s'est dit allez, je le fais. Et au final, ça nous a marqué, on s'en souvient positivement. Je voulais vous poser la question d'ailleurs autour de la table. C'est quoi la première fois que vous avez réalisé qui vous a un petit peu marqué? Claire, c'est quoi toi par exemple? Moi, c'est la première fois que j'ai bu de l'alcool et que c'est ma première cuite en fait qui m'a énormément marqué. Non, mais c'est vrai, j'étais ultra jeune et c'était une nouvelle année. Et ça a vraiment très mal terminé, quoi. J'étais dégoûtée. J'avais 14 ans, je crois, et j'avais vraiment pas bien dosé l'alcool. Et je pense que j'avais voulu faire un peu comme les grands. Et... Ah ouais. Ouais. Et voilà. Ça passait pas. Ça passait pas du tout, quoi. Xavier, la première fois qui t'a marqué? Mais quand je suis passé du siège passager au siège conducteur en conduisant de voiture, c'est vrai que. C'est vrai, ça. Moi, ça m'a marqué. Enfin, la première fois, je me rappellerai toujours. Mon père. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je peux y aller? Est-ce que c'est bon? C'est bizarre. Mon père avait confiance parce que j'avais déjà fait. J'avais vraiment conduire sur la route, mais conduire dans des parkings, c'est pas la même chose. Non. Et quand vraiment j'ai conduit la première fois sur la route, c'est bizarre parce que tu stresses déjà à mort. Et en même temps, c'est une liberté, tu vois. Ouais. T'es là sur la route. Dis, ça y est, oh, c'est un pas franchi. Je peux pas en parler parce que j'ai pas encore eu cette première fois. Ouais. Tu verras, c'est génial. C'est génial. Ouais. Ah ben voilà, merci beaucoup. Mais d'ailleurs, Maëlle, si c'est pas ça ta première fois, c'est quoi qui t'a marqué? Le canyoning, c'est dans les rivières, c'est sauter de rochers. Sauté de 11 mètres de haut. Putain, nous on parle le truc de la vie quotidienne. Ouais, canyoning, allez, c'est parti. Ah là, c'est bien. Et donc c'est une super expérience. À vivre, voilà. Ouais, tu m'étonnes. Moi, le truc qui m'a marqué la première fois, le truc que t'as peut-être fait déjà plusieurs fois dans ta vie, mais que quand t'es tout seul, c'est pas pareil, c'est la première fois où tu voyages seul assez loin. Ah. Et où tu te retrouves un petit peu livré à toi-même. Est-ce que je prends le bon train? Est-ce que je prends le bon endroit? Ah ouais, et là, ouais. T'es toujours. Enfin, moi, je me souviens, la première fois, c'était pour. Je me demande si c'était pas pour le boulot, je devais partir à Paris. Bon, on n'est pas à l'autre bout du monde, hein, on est d'accord. Oui, mais et quand t'arrives, que tu pars tout seul, tu dois prendre à l'hôtel, tu dois prendre un métro, alors que je suis pas habitué à prendre le métro. Enfin, au début, c'était un petit peu stressant. Ouais. Et c'était il y a pas longtemps, c'était il y a quoi? Il y a 3 ans. Donc, j'avais déjà 18 ans, je pense. Donc, c'était déjà assez marquant. Et quand tu voyages seul, que tu te retrouves tout seul avec ta valise et que tu te dis. C'est où que je dois aller? Est-ce que je vais me faire? Tu te sens un peu comme une grande personne aussi. Ouais. Hein, t'es content d'être tout seul, mais tu te dis putain, merde, tu es tout seul. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à nous partager votre première fois sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer un petit message. Et puis dans quelques instants, Lou sera notre invitée à la chaîne YouTube où elle nous présente toutes ses premières fois. On en parle dans quelques instants avec elle. Bougez pas. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, on passe la soirée ensemble, émission spéciale, première fois. Tout le monde est toujours autour de la table et en forme pour cette séquence spéciale. Dans quelques minutes, on parlera de première fois sexuelle, Claire. Ah bah oui, hein, c'est mon sujet un peu... Il faut passer par là. On aura quelques petits conseils, on aura quelques petits bons plans dans quelques instants. Avant ça, je vous le disais en début d'émission, elle est notre invitée, c'est un petit peu l'experte des premières fois sur YouTube. C'est Lou qui est là. Salut Lou. Hello l'équipe, comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien et toi? Bah écoute, super, ravi d'être là. Ah bah écoute, on est très content de te recevoir. Lou, pour ceux qui ne reconnaissent peut-être pas ta voix, pourtant on est habitué à l'entendre, tu es animatrice sur Fun Radio, mais pas que, puisque tu es également depuis pas très très longtemps youtubeuse. Oui, alors c'est tout nouveau, hein. Ça fait même pas un an, j'ai fait ça pendant le confinement en fait, je pense que là ça fait 9 mois. En fait je pense que comme beaucoup, je me suis retrouvée confinée chez moi, frustrée, pensée à tout ce que je pouvais pas faire et en fait je me suis mise à faire une liste de plein de trucs que j'ai encore jamais fait et que je veux faire au moins une fois dans ma vie pour la première fois. Ouais. Et c'est comme ça que le concept est né en fait. J'ai créé mon compte Instagram Looprums et la chaîne YouTube Looprums aussi. Ouais, voilà, donc ta description, tu dis sur YouTube qu'on n'oublie jamais sa première fois, que tu ne parles pas de cul, bande d'esprit mal tournée, je lis ce qui est écrit, que tu parles toutes les premières fois possibles et imaginables, tout ce qu'on n'a pas osé faire et tout ça. Et toi, tu le fais via YouTube en faisant ça avec tous les abonnés. Alors dans les vidéos, mon premier carotte cake, donc ça va de choses assez simples comme par exemple, là, un premier vol en parapente qui est quand même un truc assez énorme. T'as essayé aussi de faire du feu comme dans Koh-Lanta. T'as fait le ramadan, t'as fait une semaine sans sucre. Tu as été en maillot dans moins 170 degrés. Et puis t'as même conduit un Boeing 737. Yes, bah écoute, c'est ça que j'adore dans ce concept en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite aux premières fois. Ouais. Finalement, si tu comptes tous les trucs que t'as jamais fait, je suis même pas sûre que ce soit possible de tout vivre dans une seule vie. Donc c'est ça que j'adore. Et effectivement, c'est un maximum de premières fois dans tous les domaines, des activités insolites, des sensations fortes, tu disais des jeux vidéo, de la bouffe aussi. Et finalement, le but, c'est de vous partager tout ça, parce que en plus, c'est souvent drôle, parce que souvent, je me plante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je publie non seulement des premières fois où ça se passe bien, mais aussi celles où ça se passe pas spécialement bien. On parlait du parapente, par exemple, c'est un truc que j'ai pas super bien vécu sur le moment. Allez voir la vidéo, c'est assez drôle. Mais pourtant, c'est intéressant aussi. J'ai aucun regret de l'avoir fait. Ce qui est gai, en fait, c'est de découvrir de nouvelles choses. Et il y a des premières fois très insolites, qui parfois coûtent un petit peu, etc. Mais il y a des premières fois aussi beaucoup plus accessibles qu'on peut faire chez soi. Et c'est ça que j'ai envie d'encourager les gens à faire. C'est faites des premières fois assez simples, des trucs qui vous tentent, qui correspondent à vos valeurs, etc. Parce que c'est comme ça, en tout cas, que moi, je m'épanouis. Je suis pas très... Je suis pas fan de la routine, je me lasse vite des choses, donc j'ai toujours envie de découvrir et je suis sûre qu'il y a beaucoup de curieux qui nous écoutent et j'ai juste envie de vous dire, faites pareil en fait les gars, ouais. Lâchez-vous et testez de nouvelles choses. Est-ce que c'est le fait de te mettre devant la caméra qui t'a aidé à le faire encore plus et à te dire je vais le faire, je vais le partager aux gens, ou déjà avant c'était un truc où tu t'es dit bah tiens je vais le faire personnellement, j'avais ma petite liste perso qui n'était pas du tout prévue en vidéo, ou c'est vraiment le déclic de te dire je vais me mettre devant la caméra et le faire avec les gens qui t'a boosté à le faire? C'est une bonne question. Je pense que de base, c'est déjà en moi cette curiosité, l'envie de découvrir un max de choses. Mmh. Et effectivement, la carotte en plus de me dire, je vais le partager, ça peut peut-être donner des idées aussi aux autres de première fois qu'il y a parfois juste à côté de chez nous, on ne sait même pas qu'il y a ça ou cette activité ou quoi. Donc c'est, je dirais que ça m'aide encore plus, ça me motive encore plus. Mais je pense que de base, on a déjà tous un peu ça au fond de nous. On a envie, l'homme est comme ça, on a envie de découvrir des nouvelles choses. Et je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans une routine, justement. Ouais, et si tu devais nous donner, là, parmi celles que tu as déjà pu faire, c'est quoi la première fois la plus folle? On parlait de Boeing 737 il y a quelques instants, de parapente. Est-ce qu'il y en a une autre qui est au-dessus de celle-là, ou c'est vraiment ces deux-là qui étaient les plus grosses? Oh, il y en a eu tellement. J'ai adoré conduire une Nissan GT-R aussi sur le circuit Mété. Non, il y en a une qui m'a marqué plus que les autres, c'est mon saut à l'élastique. Ah ouais. Parce que ça, c'est quelque chose que je ne pensais vraiment pas être prête à le faire. Tu m'aurais dit, saute, il y a 6 mois, je t'aurais dit, ne laisse tomber jamais. et effectivement, ça, c'est le truc, je suis extrêmement fière de l'avoir fait. Je suis fière de moi, en fait, parce que je ne m'attendais pas à pouvoir le faire. Et je me rends compte que c'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Donc ça aussi, si vous aimez un tout petit peu les sensations fortes, c'est le genre de truc, ça fait peur. Ouais. Et en fait, il faut le faire parce que c'est une expérience à vivre. Alors Claire, tu as une question pour Lou? Alors oui, moi j'ai une question parce que t'as l'air de faire plein de choses et de plein de premières fois quand même assez incroyables. Est-ce qu'il y a une première fois que t'as pas du tout envie de tester? Il y a pas un truc que t'as pas envie spécialement de faire, quoi? Ah, si. Il y a un truc effectivement où je pense que ça, je ne craquerai jamais parce que c'est pas pour moi. C'est tout ce qui touche. Je suis très claustrophobe. Ah ouais. Ma première fois en stéléo, je suis pas sûre qu'il y aura. Ah oui, ça tu m'étonnes. Je suis pas à l'aise. C'est pour ça que je dis toujours, j'encourage les gens à faire des premières fois, mais des premières fois qui vous vont, faites-vous du bien, quoi. Si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise dans des espaces confinés, ne faites pas la spéléo, je vais pas vous recommander de le faire, quoi. Je crois que même s'il y a un chèque à la clé, moi je ne le ferai pas. Hein. Ça, c'est le genre de truc impossible de m'y mettre, donc là, je suis d'accord avec toi. On a parlé de ta première fois que tu redoutes de faire. Est-ce qu'il y a encore, là, à l'heure actuelle, une première fois encore dingue que tu te dis, purée, ça, je veux vraiment le faire, mais c'est peut-être pas pour tout de suite? J'en ai 1000. Je te dis, j'ai une liste, mais qui s'allonge de jour en jour. Dès que j'ai une idée, je la note. Et non, il y a tout le truc que je veux faire. Par exemple, je sais qu'un jour, je vais me faire mon premier tatouage. C'est pas pour tout de suite. Je suis pas encore prête. Je sais pas ce que je veux faire ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je pense que c'est un truc que j'ai aussi envie de faire un jour dans ma vie. Et donc, il y en a énormément. J'ai envie de faire du flyboard. J'ai envie de faire un premier cours de pole dance. J'ai envie de partager tout ça. Et alors, ce que j'aime aussi faire, c'est que non seulement je partage ça sur mes réseaux sociaux, mais j'aime aussi l'offrir. Quand j'ai un coup de cœur, par exemple, pour une activité, pour une première fois, je me débrouille aussi pour l'offrir à l'un de mes abonnés pour que lui aussi puisse, il ou elle d'ailleurs, puisse profiter d'une activité comme celle-là. Oui, ça c'est cool. N'hésitez pas à aller voir ça. Ça se passe sur YouTube, sur Instagram. Lou Proms, tout simplement. Comme elle vient de le dire, elle vous partage pas mal de concours. Donc si vous voulez en plus découvrir tout ça, ben, peut-être gagner du beau cadeau, il suffit d'aller la suivre. Merci beaucoup, Lou. Alors, une dernière question. On est clair que derrière tout ça, il y a quand même un message, c'est celui d'oser et d'essayer. Exactement, de pas s'enfermer dans une routine, de rester curieux, parce que moi personnellement c'est ce qui me fait vibrer, c'est découvrir de nouvelles choses et je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça, donc voilà, je peux que vous encourager à rester ouvert. Merci beaucoup Lou d'avoir été avec nous, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Encore plein de premières fois je suppose? Ah ben ça c'est parfait, ça me va. Eh ben écoute, merci et beaucoup. Je vous en fête aussi. Merci beaucoup Lou, merci d'avoir été avec nous, bougez pas dans la suite, on va parler des premières fois des objets et puis des choses qu'on peut faire une fois mais pas deux. 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, on passe la soirée ensemble dans cette émission spéciale. Première fois, il y a quelques minutes, Lou était notre invitée sur sa chaîne YouTube Lou Proms. Elle partage toutes les premières fois un petit peu exceptionnelles et un peu insolites. Et elle était avec nous pour en parler. Une des premières fois, on est tous obligés d'y passer, c'est la première fois sexuelle. Et donc on va en parler avec toi Claire aujourd'hui. Oui, parce que c'est quand même quelque chose, c'est comme une étape très importante dans la vie. Et souvent on a tendance à se mettre la pression. Et actuellement, enfin maintenant, la société actuelle fait qu'on se met une certaine pression et c'est quand même une des premières fois les plus cruciales et les plus importantes quand même qui va nous suivre quand même toute notre vie quoi. Si la première fois est ratée, ben c'est vrai qu'après la vie sexuelle peut être un petit peu plus décousue et voilà donc voilà, la première fois peut faire peur, c'est quand même quelque chose qui fait peur parce que c'est quelque chose en rapport avec le corps et maintenant on le fait de plus en plus tôt, donc je pense que maintenant la moyenne c'est entre 12 et 14 ans, je trouve ça super jeune. Et donc, 12 et 14 ans tu crois? Ouais, ben t'en as beaucoup qui perdent à 12-14 ans hein. Il y avait une fille quand j'étais en secondaire, elle était enceinte, elle avait 13 ans. Oufti, t'imagines le truc. C'est pas la moyenne. Mais maintenant, la majorité sexuelle, c'est 14 ans, je pense. Oh. Mais c'est déjà, c'est encore super jeune, quoi. Parce qu'allez, on a nos règles à quel âge? Entre 11 et 13 ans. Après, il y en a qui l'ont maintenant, plus tard. Beaucoup plus jeune. À 9 ans, il y a des filles qui ont déjà leurs règles. À 9 ans, c'est, quoi. Donc ça veut dire qu'à 9 ans, elles sont déjà en âge de procréer. Enfin, je trouve ça quand même fou. C'est dingue. Et donc voilà, la première fois peut faire peur et faut surtout pas se mettre la pression parce qu'on a tendance à se mettre la pression. Ah, ma copine, j'ai mes copines qui l'ont fait à cet âge-là, du coup il faut que je le fasse. Et donc finalement on le fait dans un brouillon total avec une personne qui n'est pas. Enfin, c'est super important de trouver la personne avec qui le faire parce que c'est quelque chose qui rapporte au corps. C'est la première fois qu'on va se dévoiler à quelqu'un, qu'on va se laisser toucher par quelqu'un. Enfin, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est pas comme la première fois où on va faire du vélo, quoi. Là, ça touche au corps et il faut que ce soit vraiment bien fait. Il faut être en harmonie avec son corps et celui de l'autre. Donc moi, je pense que pour faire sa première fois, il faut se connaître et être en OK avec son corps. Et même être si prêt. Vous le faites, être prêt, même si vous le faites à 18 ans, moi, je trouve que 14 ans, c'est encore beaucoup trop jeune. On n'a pas encore la maturité nécessaire. Pour moi, le plus bel âge, c'est 17, même si on le fait à 20 ans, on le fait à 20 ans. Enfin, plus tard, c'est fait et mieux on est avec notre corps, mieux ça va se passer et notre vie sexuelle va être plus épanouie parce que dès qu'on commence la première fois, eh ben ça, la machine se démarre c'est le début et c'est le début quoi. Alors donc il faut être en confiance, il faut le vouloir vraiment, ne pas avoir peur de dire non ou de stopper à n'importe quel moment parce que ça oui, une fille, imaginons une fille de 14 ans a un rendez-vous avec un garçon, elle va se foutre la pression et c'est comme si elle était obligée. Les filles ont tendance à se sentir obligées de faire quelque chose alors que non, elles peuvent stopper et même si le gars dit bah, écoute, t'as accepté de sortir avec moi, on est chez moi, tout ça, ben non, tu peux stopper quand tu veux. Ton corps, c'est ton corps. Ne pas forcer la personne. Il ne faut pas forcer et

Je m'en souviens, c'était un chouette moment parce que voilà, c'était la première fois, c'était un peu insolite, c'est là, tu t'en souviens toujours. Mais voilà, non, je regrette pas. Et puis je pense que personne ne doit regretter sa première fois, sauf si voilà, c'était pas voulu, c'était pas voilà, il y a toujours bien évidemment des exceptions. Mais chaque première fois est de un unique. Et puis de deux, quand c'est la première fois, c'est la première fois pour tout. La première fois que tu montes sur un vélo, tu te pètes la gueule. Donc je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc non, première fois, je m'en souviens bien. Et toi? Ben moi, je vais être le cas où vraiment, si je pouvais revenir en arrière, je le referais parce que je me suis foutu une pression de dingue et c'est vrai que j'ai pris un peu le premier venu et ça s'est passé vraiment à l'arrache. Et vraiment, je regrette de l'avoir fait comme ça. Donc vraiment, si j'avais un conseil, c'est réfléchissez-y. Voilà, bien avant et ne vous foutez pas une pression de dingue comme je l'ai fait. Et vraiment, moi, je regrette ma première fois et j'aurais voulu que ça se passe dans de meilleures conditions. Et voilà, mais je suis contente que pour vous trois, ça se soit bien passé. Et ben voilà, merci beaucoup les copains pour toutes ces infos. Si vous voulez vous aussi nous partager votre première fois, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, on va parler des premières fois, des inventions, des objets, un petit peu tout ça. Puisque voilà, les premières fois, c'est pas que le sexe, c'est pas que, que dans les infos, on va parler de plein de choses. C'est dans la suite du programme, donc restez bien avec nous. 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Émission spéciale ce soir, les premières fois. Il y a quelques instants, on parlait de la première fois au lit. On avait également Lou, notre invité, qui en fait plein des premières fois sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à les voir, c'est Lou Proms. On va parler de la première fois des objets, puisque bien évidemment, tout a des dates de création, de mise en place, de mise en fonction, on va dire. Par exemple, Xavier, est-ce que tu sais, le premier téléphone, son invention, elle date de quand? L'invention du téléphone, une date, tout simplement. Le premier, une année. Oui, une année, on va pas faire la date près ni l'heure. Je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise et d'être... Il n'y a pas de mauvaise réponse. 1950, je sais pas si on je On était suis... avant, on était en 1876. Ouais, parce qu'il y a une photo, je me souviens, il y a une photo qui a fait très polémique avec une femme qui tient un téléphone et on dit que ben, le téléphone n'existait pas encore, mais c'était des prototypes, je pense. Ah bon, c'est ça. Et donc c'est 1800 aidés, ouais. Ouais, le 1876, exactement, le 14 février, c'est l'américaine Graham Bell qui a déposé le brevet. Alors, la pile électrique, elle est claire. En quelle année a été inventée la pile électrique? Ouais. Ouf. À ton avis? Moi, je dirais plutôt 1900, dans la 1900. Ah non, c'est en 1800. Ouais, un truc peut-être logique dans les téléphones, batterie, pile, c'est plus ou moins. Ah bah oui, alors moi je dirais 1850. Ah non, je te l'ai dit, c'est 1800, tout court. Ah, juste 1800. c'est tout court. Allez, l'invention de la bombe atomique, ça je vous le dis tout simplement parce que c'est facile, logiquement on le sait tous, c'est 1945. l'invention de l'écriture. Ah. Est-ce que vous savez de quand ça date, Maëlle? Ah ouais, vraiment Maëlle? Ouais. Ça, il y a très très longtemps. On est dans les histoires d'avant JC. Hein. Ouais. Soit l'écriture... Non, aucune idée, c'est vraiment... Au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Donc, il y a plus de 6000 ans que l'écriture a été inventée. Alors, le moulin à vent, c'est 700 avant Jésus-Christ. La photographie, tiens, Xavier, est-ce que tu as une idée de l'invention de la photo? Oh là là là, la photographie... allez... Une date, enfin une année au hasard, dans la 1630, je sais pas si On est un petit peu après, on est en 1839, le premier appareil photo. Alors, un truc qui nous concerne, la radio, est-ce que vous savez en quelle année ça a été inventé? On va faire un plus ou c'est moins, Claire. Moi, je dirais la radio, c'est en 1800, et je sais pas. Moi, je dirais pas si je sais, mais... 1886. Alors, c'est moins, c'est plus, Xavier. Donc c'est plus. Bah oui. 1780. Merci, Xavier. Ouais. En 1905. On était avant, Claire. 1898. Ah, un tout petit peu avant, Xavier. 1898, t'as dit? Attention. 1890. Non, un petit peu plus. C'était en 1895 que la première radio a été créée. Alors, l'invention du cinéma, c'est 1895. L'invention de la carte à puce, notamment dans les téléphones, dans les cartes de banque, un petit peu tout ça, c'est en 1974, donc c'est pas très vieux. L'invention des lunettes en 1300, donc avant les gens voyaient flou, en 1300. l'invention de l'imprimerie, c'est 1454. Gutenberg, tout le monde le sait, normalement, on l'a beaucoup vu à l'école. Et puis voilà, est-ce que vous savez quand est-ce qu'a été l'invention du chiffre zéro? Ah! Ouais. Chiffre zéro. Pas mais en l'an zéro. Ah bah non, c'était déjà là avant l'an zéro. Ah oui, bah oui, sinon on mettrait pas. L'invention du zéro, le chiffre zéro, ça date de moins 2000. Oula! Avant ça n'existait pas. On démarrait avec 1 ou on ne démarrait pas, je sais pas trop comment ça allait. Mais... mais voilà, comme ça on a fait un petit peu le point sur les inventions et leurs dates d'année. Comme ça, ça nous permet d'en apprendre un petit peu plus. Et puis la semaine prochaine, on fera un petit quiz, voir si vous avez retenu tout ça. On vérifiera ça dans l'émission. N'hésitez pas, si vous aussi vous connaissez des dates de première fois d'objets et tout Maxime. Ça, oui, Xavier. Elle va être peut-être bête ou. Oui, bah, certainement, ou pas, oui. Donc Mais je me demande, les gens qui sont nés en moins 4000, par exemple, avant Jésus-Christ. Ils sont tous morts, hein. Oui. Ah, ça va. Mais je me demande, tiens, on est en quelle année? Enfin, est-ce qu'ils se disaient, tu vois, une période, hein, on est en... Je sais pas, ils ont... Ils attendent que je te le dise. Ils n'avaient pas encore, ils n'avaient pas encore le sentiment. Ils n'avaient pas cette notion-là. Ils ouais. n'avaient pas encore cette. Tu sais, les gens ne vivaient pas comme nous on vit. Les gens n'avaient pas l'esprit comme on a maintenant. On n'avait pas la psychologie qu'on a maintenant. C'était. Mm-hmm. On a tous été des humains, mais on n'était pas du tout. Mm-hmm. Ben voilà, j'avais une discussion comme d'habitude. J'y ai pas été, donc j'aurais pas. Non, mais non. Ah, on ne sait jamais. Peut-être qu'on a une vie antérieure. On ne sait pas. On ne sait pas. Merci beaucoup, Xavier, pour cette question. Allez, dans quelques instants, on va faire un point sur les trucs qui sont bien une fois, mais pas deux. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Vous êtes dans Hashtag, on termine tout doucement cette émission spéciale. Première fois, on va faire un petit point sur les choses qui sont bien une fois mais pas deux. C'est pas moi qui ai fait le classement, donc ne me jugez pas. Alors, les choses qui sont bien une fois mais pas deux, en 10e position, montrer ton cul en soirée. Apparemment, c'est bien de le faire une fois, mais pas de le faire deux fois. En 9e position, adopter un hamster. Apparemment, on est très content de le faire, puis on regrette assez vite. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un hamster ou un collier. Je préfère les cochons d'Inde. Alors, les choses qui sont bien une fois mais pas deux, c'est les grosses cuites. Apparemment, c'est bien de s'en prendre une de temps en temps. On le dit toujours, de temps en temps. C'est vrai que même moi, ça, à chaque fois, je dis ouais, une grosse comme ça, plus jamais. Une fois que t'es parti, en fait, une fois que tu commences à être saoul, tu ne fais plus trop attention. Ouais. Alors, des vacances dans un endroit précis. C'est vrai que c'est quand même bien quand dans un endroit tu n'y vas pas. Ouais. Tu y vas une fois, t'as vu l'endroit, c'est cool quoi. C'est un petit peu comme un film. Perso, je regarde jamais deux fois le même film. Un escape game, apparemment c'est bien une fois mais pas deux. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà testé? Franchement, c'est super sympa. Après, faut pas refaire le même. Ouais, c'est ça. Du coup, la réponse. Alors, une chose qui est bien de faire une fois mais pas deux, utiliser un mouchoir. surtout ces temps-ci, c'est vrai que. Alors. Un des trucs qui est bien à faire une fois mais pas deux, mater un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pourquoi alors, tout le monde se retourne sur moi? Bah parce qu'on sait que tu aimes bien Xavier. Toi, mais un c'est petit bien peu... avec lui. Bah, c'est rare quand je regarde maintenant. Je pense que... Une petite soirée romantique devant Joséphine Ange Gardien, le programme est complet. Alors, un truc qui est bien une fois mais pas deux, les films avec un gros twist final. Ça, c'est vrai. Hein, comme tous les films où on connaît la surprise, on sait ce qui va se passer, où tu vois, on s'est déjà fait spoiler, donc c'est un peu chiant. Et puis le numéro 1, le truc qui est bien une fois mais pas deux, le confinement. C'est vrai. Trop tard. On est content que ça se fasse une fois mais pas deux. Allez, bougez pas, dans quelques instants on se retrouve déjà malheureusement pour se dire au revoir. Bah oui, c'est comme ça. Le lundi, 20h-21h, c'est Hashtag avec Max. Une nouvelle émission qui se termine, très heureux de l'avoir passée à vos côtés, aussi aux côtés de Claire, de Xavier et de Maël qui sont autour de la table. Et ben voilà, il nous reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée, dernière semaine avant les fêtes et tout ça, on y est bientôt. Oh bah oui. C'est dans les jours qui arrivent, c'est passé vite cette année, elle a filé à une vitesse. Mais qu'elle se termine vite, très vite. Après, on ne sait pas comment 2021 va se passer. Début 2021, ça va être déjà pas de réouverture des restaurants, bars avant février, donc à mon avis, début 2021, parti, hein. Ça va être encore cata quoi. Ah bah, écoutez, on vous retrouvera très prochainement avec quelque chose pour les fêtes, on réfléchit encore, peut-être un truc sur le web, peut-être une émission, on ne sait pas encore vraiment. Après c'est la semaine prochaine donc on va quand même s'activer. On va faire quelque chose, vous verrez, on vous tient au courant sur les réseaux. Xavier, à bientôt. Oui, et justement, bah, comme c'est une émission première fois, je vais terminer par un truc que je n'ai jamais dit sur antenne. Attention. Peu importe le temps qu'il fasse, gardez le sourire. C'est beau ça, non? Merci, c'est beau. Merci Xavier. Maël, à la prochaine. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, tout ça, c'est à réécouter sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Salut.